Hey, êtes-vous prêts? Montez à bord! Le bateau est prêt, il est accosté! Tous mes amis mini, grands, gigantesques, égaux, pas égaux, montez à bord! Chouchou, des jolis choux nous accueillent, c'est merveilleux! Alors, les amis imaginaires d'Errance Rénaldienne, c'est le temps de prendre le bateau! Puis, je veux dire au public, non! On vous fait pas, on vous monte pas, on vous crée pas un bâton, c'est un bateau! Un beau bateau! C'est le bateau! Et c'est le plus beau des bateaux, car c'est mon bateau! Et c'est le plus beau des bateaux! Ouf! Aujourd'hui, le 22 avril 2019, monte le volume et hume la différence que c'est parti, mon kiki! Bienvenue à bord! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Oh, I got a live one here. Batman. to love each other. Stop the press. Who is that? Vicki Vale. She is great, isn't she? I just like the sound of it. I've got to go to work. I've got to go to work. Work. Work. Work. Work. Work. Work. Work. Work. Work. Work. Work. Hey, Ducky, let me stick the 7-inch in the computer. Êtes-vous prêt à vivre un moment d'improvisation extraordinaire? Ben enfin, on ne sait pas. On va attendre avant de s'envoyer des fleurs ou des tulipes. Préférez-vous des tulipes, madame, ou des roses de Picardie? De Picardie? Pas de roses. Ah, je sais pourquoi! Parce que dans la rose, il y a des pépins. Non, c'est pas dans la rose qu'il y a des pépins. Ah, il y a des épines! Des épines! En parlant d'épines, j'ai la pine dorsale. Là, c'est le petit dernier là, qui joue avec les chaudrons, là. Hey, 42 ans, je joue encore dans les chaudrons, ce gars-là. C'est pas ça. Il me dit, « Papa, je fais de l'expérimentation sonore. » Je lui dis, un autre cinglé, là. Un autre qui fera pas une maudite scène. Un autre qui prend le chemin le plus périlleux pour gagner sa vie. L'expérimentation. Hey, essayez des choses. Tentez de transformer la musicalité actuelle en une autre qui pourrait peut-être faire grandir le peuple. Le peuple, as-tu le goût de grandir? Pas en crois-tu, mon petit champion? Je lui dis, les larmes aux yeux, la bouche ouverte, comme une jeune fille qui dira oui, je le veux jusqu'à la fin de ses jours, pour enfin, 2 ans après, se retrouver avec un enfant puis divorcer pour se réaccoter avec un autre Bonjour le clown qui, lui, va lui faire un autre enfant puis qui va se retrouver après 2 ans à se quitter puis à se... ça se dégénère de même, la société, madame. C'est pas mieux, mon fils, là. Là, il est rendu des casseroles. Mais c'était pas ça avant, là. Avant, il plaçait en vue... Ben, en tout cas, il plaçait en vue. Il fixait... Ouais, il y avait une fixation, exactement. Une fixation sur les femmes. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a François Truffaut qui avait une fixation sur les femmes. Il adorait les femmes. Beaucoup d'hommes adorent les femmes. Moi-même, mais je fais pas une fixation. Sauf le vendredi puis le samedi, là. Ah, mais le vendredi puis le samedi, là, il faut. Hein, madame Thibault, il faut! On a juste une vie à vivre. Il faut. Mais mon fils, c'est pas ça, lui. Lui, il s'en va dans le lieu le plus peuplé, donc dans le quartier chaud de Québec, que je nommerai pas parce que vous allez le voir. Il porte une casquette, des lunettes bleutées. Il y a un petit sourire, là, mais qui frétille, un peu comme Elvis, là. Ici, la bouche, ici, en haut, vers le haut, là, ça frétille. C'est comme si le nerf, il revenait plus, là, puis ça y chatouillait, hein. Puis il était un petit sourire. Hey, là, les filles, les femmes sont bouche bée devant une bouche aussi étrange, mais belle, mais étrange. Tu sais, belle dans le sens que, bon... Il se met du fixatif là-dessus. Le soir, avant de se coucher, là, quand il sait que le lendemain, il s'en va dans le quartier chaud, il se place plein de crème là-dessus, de l'acrylique, et puis il m'a dit du marqueur chrome là-dessus. Mais il sort jamais sans avoir enlevé le marqueur chrome. C'est pas le chanteur de cours, cela, là. Quoi de cœur, il mettait pas de marqueur chrome, mais c'était du rouge à lèvres. Mais pour en mettre, mon fils, je sais pas, il était ça. Et puis là, il se promène dans la rue, sur la rue Podan, parce qu'il est déjà... il est resté coincé dans la rue à un moment donné, parce que, oui... C'est bon, ça, hein? J'aime ça, moi, ça me titille l'oreille. Je sais que... Ce que vous allez vous dire, normalement, il n'y en a pas de bruit de sonore. Comment ça, t'as voulu placer ça? Ben... Je trouve sincèrement que ça change le mal de place. Et puis moi, j'avais pas mal, là, mais j'ai dit, si à un moment donné, j'ai des mots, M-A-U-X, les mots M-O-T-S me viennent tout seuls, moi. Ah, mon Dieu. Moi, là, ces mots-là sont en liberté, surveillés. Surveillés par qui? Par l'errant rénaldien. Il envoie des mots, lui. Envoies-tu des mots? Il envoie tellement! Le ciel, pour lui, c'est pas rempli de nuages, c'est rempli de mots. L'été, il se couche sur l'herbe. Quand il se retourne, c'est pas pour enfumer, c'est pour relaxer un peu son iris qui est excité par le ciel rempli de mots. Il se rappelle ses plus grands écrivains qui l'ont influencé malgré tout. Marguerite Babaz, Fred Asperge, qui est un danseur, musicien, chanteur, pas musicien, mais chanteur, danseur, ça c'est certain, réalisateur. Orson Welles. Ce qui est intéressant sur Orson Welles, c'est que, oui, il a fait Citizen Kane, qui est le plus grand film du cinéma contemporain mondial. Depuis que le 7e art existe, il est né en 1894 et demi. Bon, là, il y a une déchirure là-dessus. Là, ce que je veux dire, là, oh. je vais recevoir des courriels. Ah, ben c'est déjà plein. Mon hotmail est plein, moi, là. Mon hotmail, là, je ne sais pas comment le vider, mais j'ai eu cette fâcheuse décision. Ben, c'est pas une fâcheuse, c'est de la lâcheté, de ne pas faire le ménage sur mon hotmail. Fait que je reçois plein d'affaires. J'ai rien supprimé. J'ai peut-être 22 000 courriels. Sur 22 000, j'en ai peut-être lu 100. Puis moi, la primauté, c'est mes radios. Bon. Après ça, c'est mes invités. Ben ça, c'est similaire. Hein? Je fais attention à tout ça parce que j'ai des invités qui m'envoient des chansons, des textes. Ils veulent me rencontrer. Je les ai rencontrés. Leurs sensations vis-à-vis ce qu'ils ont écouté, comme actuellement. Là, je fais l'émission de Madame. Je vous la divulguerai pas maintenant parce que c'est un cadeau. C'est pour ça que c'est un peu, j'ai voulu mettre un fond sonore. C'est une fille qui expérimente, qui cherche, qui essaie de trouver une autre option que celle du classicisme qui nous endort depuis des millénaires. Heureusement qu'il y en a des gens comme ça. C'est ce qui m'intéresse. Et puis le fait de l'inviter, ben, je me suis dit, ben, on va placer un être des plus intéressants. Mais la chanson la connue, c'est pas la conique, la connue, la plus connue. Ben, lâche pas des cris de même. Ma mère disait des cris de mort. Lâche pas de cris de mort. Mais comment tu peux lâcher des cris quand t'es mort? Un cri de mort. C'est plutôt la personne qui voit un mort qui crie. Alors, pour venir à ce qu'on entend actuellement, sous le discours, un peu débridé, pas un peu, débridé. On va enlever un peu. Raymond! Excuse-moi, là, je le réveille, moi. Au prix, je le paye. Raymond! Un peu, là. Il est dans la bouteille. Raymond! Excuse-moi, là, t'es dans le fond de la bouteille. Bon! T'es pas obligé de remonter, là. Remonte pas au goulot. J'ai pas mis de bouchon. Mais je tiens à te dire quelque chose, mon Raymond. Faudrait enlever quelque chose, là. Mais c'est quelque chose-là, je m'en rappelle plus. Je t'appelle, je sais pourquoi. Ben, il faudrait que je réécoute pour savoir pourquoi. Mais, je t'ai dérangé. T'étais avec homme en personne. Oh, monsieur reçoit Mélodie Gardot dans le fond de la bouteille. Tu m'as blé dans la bouteille. Tu m'as jamais invité dans la bouteille. C'est juste de la part féminine. Non, c'est ça. Mais moi, je me rends compte que toi, c'est dans la bouteille, mais uniquement l'agence féminine. Je pourrais pas être le curieux. Moi, je suis ton patron, moi, là. Je te paye grassement. Je peux-tu au moins... Mais pas ce soir, parce que là, t'as Mélodie Gardot. Mais, tu sais, quand tu seras tout seul, ça va t'arriver d'être tout seul. De te regarder le nombril. De te dire « Oh! » Ça, c'est un cri primal. Ça peut durer 20 minutes. Là, je suis rouge comme une tomate. Je vois des petits points noirs. « Oh! » Mais je vais attendre que ça vire en petits points rouges, OK? « Oh! » On poursuit. Dans quelques secondes, ça va s'arrêter. Même peut-être 2h30, 3h. L'émission sera prolongée. « Oh! » Je suis solitaire comme le verre. Oh, calvaire! Que se passe-t-il dans mon univers, dans ma tête? De la redondance, danse, danse, danse. Alors danse! Cherche la cadence! Et défais-toi sous la transe. Après coup, après quoi, après nous, il y a toi. Non. Non. Tu n'es pas la Divine Comédie. Non. Non. Tu es toi. Toi, tu es toi. Et rien de plus. Et c'est déjà beau. C'est déjà immense. C'est déjà incroyable. C'est déjà sublime d'être toi. Après toi. Après vous, mademoiselle. Monsieur, bonne soirée. Oh, c'est la petite dernière. Jessica. On frappe aux portes. Ils sont là. Enfin, ils viennent me chercher. Hey, ça fait 2 ans et demi, peux-tu? Ouais, ça fait 2 ans et demi que je donne l'adresse. Venez me chercher, venez me puiser, je suis ici. Laisse-moi te dire que si c'est la FBI, ça doit être la FBI allégée. Toutes les camps qui n'ont pas réussi, ils les ont envoyés dans la deuxième troupe, puis là, c'est eux qui travaillent sur mon sujet. Mais le sujet est là, là. Connaissent pas ça, le Bluetooth, le GPS et puis les liens satellites, là, ben, monsieur. Ils sont plutôt couchés dans le lit. Ils nagent dans un sommeil profond. Plus profond que ça, tu cales. À caler, tu te noies. En te noyant, tu trépasses. En trépassant, tu t'arrêtes. Universitaire à vos papiers. Analysez tout ça. Soyez plus fort que l'inconscient. Soyez plus stimulé que le chien errant. Trouvez le pourquoi du comment. Sans flatter aucun ego. En anglais, tout de go. Hey, je suis rendu bilingue là, depuis quelques années. Je dis tout de go. Yes. Hey, attendez. Il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. En fait, une anecdote. J'étais à Montréal pour le show de Peter Murphy il y a quelques semaines. J'allais dire quelques années, mais ça, j'ai mis ça, là, tu sais, tranquillement, c'est un dossier presque fermé, mais qui revient, tu sais, il y a des redondances, il y a des reflux, comme Gaétane qui a des reflux gastriques, mais elle boit beaucoup trop de cidre de Corneille. Ah, mon, elle boit du cidre de Corneille sans connaître Corneille. Là, à un moment donné, elle gesticule, brrr, brrr, je la vois s'envoler, brrr, brrr, puis elle voit s'envoler, brrr, brrr, elle s'en va pas, mais elle s'en va vers les toilettes. Blip, blip, blip, là, ça part. Et puis, mais là, c'est pas ça que je vais vous dire, là. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est que, oui, j'étais au spectacle de Peter Murphy dans mon hôtel parce que je suis resté. Le spectacle terminait à 23h. Mon autobus pour aller de Montréal à Québec finissait à 23h. Je dis, c'est un peu trop serré. Il y avait, je croyais, un invité avant le spectacle principal. Non, il y en avait deux. Deux ou trois? Hey, monsieur, deux. Ouais, il y en avait deux. C'est vrai, faudrait que je fasse une recherche sur le premier groupe, l'autre. Mais c'est un travesti. J'ai rien contre les travestis, monsieur. Monsieur, vous êtes coquine là, dans votre mini-jupe. Mais 350 livres dans une mini-jupe qui épouse votre corps, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, j'étais dans mon hôtel, loin d'être particulier. Tu sais, le moins cher, là, mais il était collé sur le sur la salle de spectacle. Mais collé, quand je te dis collé, là, ça embrasse, pour ne pas dire frenché. Là. Tu voyais la langue. C'est pour ça que je me suis dit, hey, c'est intéressant. Si la langue peut rentrer dans ma chambre, tu sais. Mais j'étais au 5e étage. Après ça, il y avait le toit. Heureusement, parce qu'il neigeait, hein, ça me serait tombé dessus. Mais je devais faire 4 étages en ascenseur et l'autre à pied. Ah, j'ai dit ça, le 5e étage, là. Ça doit être l'endroit où les gars s'en vont sur Sainte-Catherine, aller chercher une demoiselle, ramener ça à l'hôtel. Puis là, j'entends pendant toute la soirée, toute la nuit. Ah, des allergies, hein, tu sais, c'est du tapis, hein. Tapis 3/4. Pas lavé, pas nettoyé. Quand c'est lavé, c'est pas nettoyé. Ça sentait l'humidité. Mais là, c'est pas ça mon histoire. C'est que quand j'ai pris l'ascenseur, donc j'étais au 5e, je suis descendu au 4e pour prendre l'ascenseur. Et en entrant, il y avait 2 couples, 2 gars. Puis au lieu de dire, j'étais à Montréal, là, au lieu de dire « excusez-moi parce que je suis rentré sans savoir que j'étais pris dans mon monde ». Moi, je suis souvent dans mon monde, moi. Parce qu'il y a tellement de monde dans mon monde que je leur parle souvent, donc, je rentre dedans. Je rentre dans mon monde, puis bon, on parle. Mais là, l'ascenseur ouvre, j'entre, mais les 2 garçons sortent en même temps, donc il y a un petit accrochage. Là. Pas appelé la police, il ne s'est rien passé. Là. Constat à l'amiable. Mais au lieu de dire « excusez-moi », j'ai dit « excuse me ». Puis là, à Paris, là, quand je vais dans mon auberge de jeunesse, là, dans l'ascenseur, c'est la même chose. Je dis pas « excusez-moi », je dis « excuse me ». Moi qui n'ai pas bilingue pour Saint-Saëns, moi qui haïs la langue anglaise, mais qui respecte, là, mais j'haïs, là, j'ai pas d'affinité avec la langue anglaise. La langue anglaise ne veut rien savoir de moi. Mais j'adore là, les chanteurs. Je suis allé voir Peter Murphy, un an plus anglais que ça, là. Il y en a le plus anglais que ça. Le prince Charles. Mais lui, le prince Charles, il chante pas, heureusement. Il déchante actuellement. Et il prend plus beaucoup de chaînes radiophoniques avec ses oreilles. Hein. On faut jamais parler de physique du monde. Le monde est beau. Le monde est gentil. Le monde nous aime. Alléluia, en pyjama. Et j'étais là. J'étais là, dans l'ascenseur, et j'ai dit « excuse me ». Et les 2 garçons, là, ils devaient écouter des chansons grégaires. Hein. Et peut-être pas non plus, là. Ça devait être la 6e symphonie de Beethoven, mais il savait pas ce que c'était la 5e. T'sais, il était frustré un peu. Là. J'ai acheté sa 6e, je pensais que c'était la 5e, mais là, en anglais. Là, j'entre, moi, là. J'entre comme un hérisson inquiet, parce que les hérissons sont toujours inquiets. Pourquoi un hérisson doit être inquiet? Ben, tu sais... Porc et pique, là. Quand t'as des pics, là, tu sais pas si ça va partir. Tu sais pas à quel moment ça va partir. C'est un peu comme un éjaculateur précoce. Tu sais pas comment ça va. Quand ça va partir. Faut pas que ça parte. Faut que tes épines restent. Là, tu te concentres, les épines restent. Mais là, à force de dire épines restent, il ne reste plus grand chose là-dessus, moi, là. Il me reste une épine. Une épine. Mais l'épine. L'épée. L'épée qui pourra tuer l'humanité. La seule épée qui a la capacité de mettre un point final à l'existence. Méchante épée, là. Là, tu dis pas épépé, hurra. Tu dis hop, calme-toi, là, calme-toi. Veux-tu un petit jus d'orange? Pas de glace? Ouais, avec des pulpes. C'est toujours rafraîchissant, les pulpes. Puis ça fait naturel. Ça fait comme on fait partie d'un tout. Ça fait que ça fait plaisir, hein, de reconnecter avec la nature. Veux-tu un petit jus d'orange avec la pulpe? T'aimes pas ça? Ben, si je rajoute du cognac, gnac, non, de la vodka, parce que du cognac avec du genre. De la vodka, go, il va dire oui, il dit non. Comment ça, tu dis non? Ben, pas de pub d'abord. Non plus? Pas de jus? Veux-tu juste un verre tout nu? Ben, tout nu, je vais rester habillé, mais un verre. Un verre. Tu mets ce que tu veux dedans. Tu veux pas de verre? Toi, t'as une fixation là-dessus, hein? Tu veux pas te faire embaumer? Ben, tu veux te faire embaumer, oui, mais tu veux pas te faire incinérer. Et tu sais qu'un jour, les vers vont te manger. Mais c'est pas ces vers-là. Moi, c'est V-E-R-R-V-E-R. Attends, bien. Ça va bien, toi, les enfants? Bon. Oui? Ah, la petite... Elle a pas percé sa dent. Elle a fait... Voyons donc, à 26 ans... Ah non, OK, sa fille, la fille de ta fille. Oh mon, hey, quand t'es rendu grand-père, hein? C'est mêlant, imagine-toi arrière-grand-père, t'es arrière-grand-père, là. Parce que c'est la fille de ta fille. Oh mon, ça finit plus. Que de troubles de mémoire, hein? Tu veux pas rien? Veux-tu une petite chaise pour grignoter comme ça? OK. Non, je te respecte. T'es pas mon ami, je te connais pas, mais je te respecte. Mais j'avais du très bon jus pressé au Québec par des Québécoises et des Québécois soucieux de notre alimentation. Avez-vous la faim? Ça ressemble à Antonin Artaud. J'espère de pas finir comme lui, là, mais je suis tout prêt, tout proche. Tout proche, collé serré, moi, là. Collé serré, collé, ouais. Ben oui. D'accord. Oh! Donc, c'était la fin. Un peu bancale, mais quand même. Ici, Québec. Ici, CKRL. Ici, le prince charmant. Sous la pluie, violacée. We'll be right back. freedom, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain. Purple.

Everybody knows that the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like the father or the dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates or a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows. Ça dure, hein. Okay. T'es arrivé quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. D'accord, mais bon, au Québec, vous connaissez la ça. La canicule hein commence aujourd'hui chez nous. Parce que je me rappelle avoir passé du temps à Montréal l'été, c'était dur aussi. Ah ouais, c'est très humide. Ouais, et je me rappelle être des fois m'être arrêtée dans des magasins pour. Ah oui, respirer un peu. Pour respirer la clim, ouais. Oui. Mais Martin. Ça commence là? Ben oui. D'accord, ok. Ben oui. Je suis très content de te rencontrer. Ça fait longtemps que je te suis sur Internet. D'accord. T'es un artiste multidisciplinaire. Anarchiste un peu? Beaucoup? Ouais. Beaucoup? Ouais. Je t'ai suivi par l'entremise de d'autres personnes qui se sont joints peut-être d'un côté. Un côté plus. Ben, t'es féministe, de ouais, un. Oui. Et en fait, moi, j'ai rencontré Marido il y a exactement 2 ans. Marido. Est-ce que tu connais Marido? Non. Ah non? Marido Fréval. Non, ça me dit rien. Ah, ben écoute, vous faites la même chose sans le savoir. Ah bon? Elle fait ça dans le 11e arrondissement. D'accord. Elle fait des. Elle s'accapare la rue et elle prépare des textes et elle les lit. D'accord. Et toi, c'est autant au niveau créatif, narratif, que pictural, que la matière. Donc, tu t'es évasé. Mm-hmm. Tu t'es pas concentré sur un aspect de la création. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? À quel moment de ta vie tu t'es dit « je veux vivre autrement que les autres » Je ne sais pas si c'est vraiment c'est pas vraiment un choix, c'est plutôt qu'il y a des endroits dans lesquels on n'a pas sa place, manifestement, dans lesquels on ne peut pas aller. Et donc on va à des endroits où on a la possibilité d'exister en fait. Et, à ta manière. Voilà. Et dans mon cas, c'était effectivement les espaces publics. Tu accapares un espace public? On ne peut pas dire que je l'accapare, mais je m'y installe en tu tout l'utilises. Cas. Voilà, j'y intègre des choses impromptues qui vont interpeller ou faire réfléchir ou détourner la fonction de première voilà, qui vont faire qu'il y a quelque chose d'autre qui se raconte que ce dont on a l'habitude. Et peut-être que ça va changer la manière aussi dont les gens vont circuler, aborder cet espace, quel qu'il soit, parce que c'est pas forcément la rue, hein. Ça peut être... Hier soir, j'étais diplômée à Sciences Po, oui. et en fait, c'était à la maison de la radio, et oui. c'est un espace qui est réservé aux humains. Mmh. À l'espèce humaine, ouais. et moi je suis venue avec mon chien et j'ai reçu mon diplôme avec mon chien dans le grand auditorium de Radio France où je pense ça devait être le premier chien qui rentrait dans cet auditorium. Donc, mais toi tu voulais désacraliser le côté élitiste? Alors, je pense pas, je crois pas que j'ai désacralisé le côté élitiste, mais par contre, j'ai introduit une autre forme de vie que l'humain dans cet espace. Est-ce que les gens étaient surpris? Les gens étaient surpris et ont adoré, en fait. Ça a été un moment qui était assez magique parce que d'un seul coup, ça a créé une espèce de surprise où on a entendu des gens faire « waouh », il y a des applaudissements qui ont commencé à arriver alors qu'on est passé tout à la fin notre promo et que les gens étaient fatigués d'applaudir. Donc, ça a redonné vie. Ça a redonné vie et du coup, on était 600 à recevoir un diplôme, il y avait 2000 personnes et après, pendant le cocktail, les gens venaient me voir en me disant... Félicitations. Exactement. Ouais. Donc moi, ça m'a permis de rencontrer des gens. C'est une manière autre de rencontrer des gens et de sortir de son endroit. Ouais. Et en même temps, de ramener un peu d'autres formes de vie dans des espaces qui ont été complètement bouclés par les humains, en fait. Lorsque tu commets un acte semblable, est-ce que tu es intimidée, gênée, ou tu y vas comme si c'était naturel? Non, j'étais très stressée. J'étais très stressée d'arriver à le faire rentrer. Déjà, à la maison de la radio, on m'a demandé 15 fois de justifier la présence du chien. Il a fallu que je bataille, il a fallu que j'insiste énormément, qu'il a fallu que je discute avec les gens de pourquoi. Pourquoi que... Et même à la fin, il y a quelqu'un qui est venu me voir, à chaque fois on revenait me voir, et avant juste à des, sur scène, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas correct, qu'il y a un chien qui gagne sur scène. Voilà. Et donc et j'ai encore dû batailler, donc non, c'est un acte militant, c'est activiste, vraiment, c'est pas naturel, parce que autour de moi, pour les gens, c'est pas naturel d'avoir un chien, une remise de diplôme. Il s'appelle Chappy. Chappy? Chappy. Chappy, est-ce que tu le considères Chappy ou moins qu'un chien? Comment ça, moins qu'un chien? Attends un peu, est-ce que tu le considères plus comme Chappy ou si tu te considères comme un chien? Parce que moi, j'ai un chien à la maison. Ouais. Et c'est pas un chien, c'est, ben, c'est Banjo. C'est oui. Monsieur Banjo et je le vous vois. Oui, d'accord. Je vous vois, mon chien. Super. Donc, donc c'est plus un chien, ça devient un être. Un être. En tant que tel. Oui. Ouais, ouais. Est-ce que tu le considères comme oui. ça? Oui, tout à fait, ouais. OK. Mais le mot chien, ça t'offusque pas? Non, pas du tout. Ben, c'est l'espèce chien, comme il y a l'espèce éléphant, l'espèce humaine. Voilà, c'est l'espèce chien. Enfin. Est-ce que tu l'as depuis longtemps? 3 ans. 3 ans? Ouais. Et en fait, c'est une artiste qui m'a inspirée, qui travaille avec deux chiens. Elle est croate. Son nom m'échappe pour l'instant, mais je te l'écrirai si ça intéresse des gens. Et elle est vraiment aussi elle est plus sur des questions d'hybridation, en fait, des questions qui sont portées par Donna Haraway. En fait, quand je l'ai rencontrée, quand j'ai vu son travail, je me suis rappelée que j'avais eu des chiens, que j'avais eu quand j'étais petite une vraie relation d'amitié, d'accompagnement avec des chiens et que en fait c'est des choses qu'on oublie avec l'éducation. Ouais. Donc je me suis dit non, il faut que je recommence à vivre quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, juste après l'avoir rencontré, enfin 6 mois après, j'avais un petit bébé chien. Ah oui, et c'est aussi... Est-ce que tu veux boire quelque chose? Oui, je voudrais de l'eau pétillante avec du citron. Et est-ce que ça serait possible d'avoir un peu... Je vais voir. D'accord, ça serait gentil. Merci beaucoup. Oui, pas de problème. Ça va être de bien après dans le vêtement. Merci. Et donc, le travail que tu proposes, c'est un travail de réflexion? Oui, en fait, ça provoque la réflexion à divers endroits. Là, c'est le chien qui a suivi les cours à Sciences Po toute l'année. Donc, Sciences Po qui est quand même un espèce de temple humain de l'éducation élitiste, prestigieuse. Et en fait toute l'année, ce qui s'est passé hier soir, toute l'année ça s'est passé dans les couloirs, dans les salles de cours. Mais ça peut être d'autres actions où en fait j'interfère et je fais un pas en arrière pour questionner ce qui est en train de se passer et pour questionner l'environnement dans lequel on est. Puis sans doute que tu fais une préparation, tu n'arrives pas là pour prendre l'espace et pour faire réagir. Il y a un cheminement derrière tout ça. Encore une fois, il ne s'agit pas de prendre l'espace, d'imposer quelque chose, mais plus de justement... Prendre l'espace, ça voudrait dire comme ça, quadriller, et c'est surtout pas ça, parce que ça renvoie à quelque chose, à une propriété, renvoie à s'accaparer, comme tu dis, on s'accapare pas, justement on partage. Et donc c'est plus aussi dans ces questionnements du partage, des communs, comment on fait du commun, que le travail que je fais de manière toute petite, il remet en route ces notions. Rainbow, and I'm an ape of God. I got a face that's made for violence upon, and I'm your bone and make you feel small. Giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. It's so fucking crazy you can't follow the rules. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. You keep it dope with religion, your sex and TV. You think you're so clever and classless and free. You're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. You wanna be like the folks on the hill. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. You wanna be a hero, then just follow me. You wanna be a hero, then just follow me. Into oblivion. But my nature. Je lis ton cursus, on voit souvent Bordeaux, Bordeaux. Es-tu née à Bordeaux? Non, je suis née à Rueil-Malmaison, c'est à 20 km de Paris. OK. Voilà. Mais il s'est passé beaucoup de choses à Bordeaux. C'est là que tu as quand même pris... Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait confiance. Notamment, j'ai été accompagnée par un théâtre et par une personne qui s'appelait le TNT à l'époque. Ouais, ouais. Et dont le directeur était Éric Chevance. Oui. Et par ailleurs, des gens qui faisaient un festival qui s'appelait Les Grandes Traversées, Eric Bernard, Virginie Bernard. Y a eu plein de gens qui m'ont fait confiance à Bordeaux et qui m'ont permis justement de sortir de Bordeaux. J'étais en résidence en Slovaquie, en Pologne. J'ai passé 2 ans en Pologne, 2 ans en Slovaquie. Qu'est-ce qui t'interpelle là-bas? En Europe centrale, ouais. C'est toute la complexité de l'Europe centrale, justement, où c'est des pays qui ont passé 40 ans sous le communisme, ouais. et en fait c'est l'Europe, mais c'est une autre Europe que la nôtre. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette idée européenne, hein, c'est comment on fait du commun, là encore, et c'est quand même pas évident, quand on va dans un pays et que tout porte à quiproquo, à mécompréhension. Aussi la question du colonialisme, parce que quand t'es français, t'incarnes quand même le colonialisme, comme quand t'es anglais d'ailleurs. Donc comment tu te positionnes quand t'arrives comme ça dans un pays, même si tes intentions elles sont meilleures, n'empêche que tu l'incarnes. Et justement, comment tu fais avec ça pour construire ensemble. Ce qui n'est pas du tout évident, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Thomas Mataouko et on a fait des collaborations avec la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie pour essayer justement de réfléchir à ces questions. C'est quoi cette Europe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on construit ensemble? Et c'est ce qu'on appelle nous des sculptures sociales. Ouais. Voilà. On fait quelque chose artistiquement qui a un impact sur l'environnement social et qui repose la question du commun. Et qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça? Ça m'a appris que c'était pas facile. Moi, je le savais déjà, hein, ouais, mais... Mais t'étais confrontée? Bien sûr, j'ai été confrontée. On a été confrontés. Ouais. Et avec toutes les bonnes volontés, des fois, on ne se comprend pas. Non. Mais c'est d'ailleurs très marrant parce qu'avec les Québécois, ça peut arriver aussi, parce qu'on parle la même langue, sauf que vous avez une culture américaine et nous, on a une Exactement. Culture française. Et des fois, ça crée vraiment des malentendus. Des quiproquos, des situations loufoques. Mais c'est de là l'intérêt aussi. Oui, bien sûr. C'est de se croiser et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui s'amalgame, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Vu que, bien sûr, ici, c'est plus littéraire. Chez nous, c'est beaucoup plus la confrontation des langues françaises et anglaises. Donc, on a cette difficulté-là à vivre avec les deux langues en même temps. Donc, ici, vous n'avez pas ce problème-là ou vous êtes peut-être endormi par ce faux problème-là. On est endormi totalement. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a... Enfin, déjà, les Français ont des problèmes avec les langues. Ça commence un peu à changer, mais... c'est pas évident et ont du mal à parler d'autres langues. Et quand on les parle très mal. Oui. Mais toi, dans ton travail, dans ton cheminement, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui t'a convaincu de ne pas suivre le chemin traditionnel? Mais j'en suis incapable. Tu l'as essayé? Bien sûr, j'ai essayé de travailler dans d'autres domaines. Et qu'est-ce qui te bloque? C'est le conformisme? Non, mais c'est pas moi qui bloque. Moi, j'ai hyper envie de, d'être, de rentrer à l'oreille en comme relation. Les autres. C'est ça. Et, mais non, mais ça marche pas. Je me fais virer en général. Parce que, pas parce que je travaille mal, mais enfin. T'as une autre vision? Ouais, voilà. Donc. Plus anarchiste. C'est compliqué. Moins conventionnel. Peut-être moins conventionnel. Tu remets trop les choses en question, peut-être. Peut-être. Dans une société, c'est bien d'endormir le peuple. Ben, je pose des questions et ouais, pourquoi c'est comme ça? Bon, peut-être, oui. Et on pourrait peut-être faire autrement. Mais à travers ton travail, qu'est-ce qui t'a amené à toucher la sculpture, après ça, les mots, à travailler le corps, à travailler tout ça? Qu'est-ce qui t'a amené? Alors, le corps, c'est directement la question, en tant que femme, qu'est-ce qu'on fait de notre corps, quoi. Okay. Voilà, c'est vraiment là, on est dans des questions de féminisme, de rapport au corps dans une société. Enfin, moi, ces questions-là, je me les suis posées, j'avais 25 ans et ça a duré 20 ans, quoi. Donc, quand t'es une femme, aujourd'hui, il y a toutes ces histoires MeToo qui sortent, tu vois, mais oui, t'es confrontée à ce genre de choses et t'es confrontée aussi à de la misogynie, à du machisme et faire sa place. Peux-tu lui en donner un petit peu d'eau? C'est de l'eau avec un peu de limonade. À Tchapi? Oui. Ben, je sais pas, mais ouais, vas-y, on va voir s'il aime ça. Non, ça doit être à limonade, hein? Il y a un petit peu de limonade. Là, je vais faire comme ça. L'eau minérale, est-ce qu'il peut, le sel, non? Ah oui? Tchadé, tu veux de l'eau? Ah, ouais. Il a pas soif pour l'instant. C'est ça, donc c'est le travail de comment aujourd'hui on perçoit la femme qui t'a... En tout cas, moi, j'avais vraiment j'avais vraiment des problèmes avec la manière, avec mon corps, comment il était perçu, comment il était, comment je devais le mettre socialement en place. Le présenter. Comment je devais le présenter, comment je devais me cacher malgré tout, parce que quand même, et si je me cachais pas, comment il était regardé. Et puis en fait, je suis très impudique, donc j'aime en fait quand il fait chaud, par exemple, ouais. J'aime m'habiller très léger, enfin des choses comme ça. Ouais. Et voilà, et en fait, on est dans... Confronté à ça. Bah, bien sûr, donc c'est un peu compliqué. Donc, moi, j'ai eu besoin de travailler avec des copines la question de la femme artiste aussi, comment on se met en groupe pour pouvoir exister, comment on deal avec ces histoires de corps, comment on en joue aussi. Comment on en joue pour attirer l'attention et pour parler d'autres choses, pour parler de politique, d'acceptation. Ouais. Parce que évidemment, on joue avec ça. La première chose qu'on a fait, c'était, on avait fait un calendrier où on posait nu, mais il y a des années où personne ne l'avait fait, tu vois. Et pour dire, on est artiste et on existe. Ouais. Voilà, sinon personne ne nous regardait. Ouais. Une fois que tu as tourné les têtes, que tu as fait tourner les regards, tu peux discuter. Ah oui, c'est ça, exactement. Voilà. Là, tu as franchi quelque chose, tu as cassé la barrière. Voilà. Cassé la barrière. Cassé la barrière, ouais. Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais aussi, mais autrement, tu casses tes barrières, tu essaies d'interroger. Oui. Oui, j'essaye d'aller dans des endroits où des fois je ne suis pas attendue, ou je ne suis pas je n'ai pas ma place, ou alors, mais des fois c'est une vision que moi j'ai, où j'ai l'impression de ne pas avoir ma place et de travailler ces questions. Oui. Et de questionner aussi. Ça se mange pas, Chad. Et de questionner, il est en train de manger les micros. C'est ça. Et de questionner les gens avec qui je travaille sur. Est-ce que c'est des gens qui se regroupent à chaque fois, ou si c'est des nouveaux membres que tu. À chaque fois, non, je travaille avec des gens différents, sauf avec Thomas Matauko, avec qui on travaille là depuis 10 ans maintenant. Mais c'est de là l'intérêt aussi, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Oui, oui. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'anime là-dedans? C'est la nouvelle vision qu'elle va t'apporter ou qu'ils vont t'apporter? Moi, ce qui m'anime toujours, c'est d'apprendre des choses et d'aller toujours plus loin dans les questionnements et de trouver d'autres manières, toujours d'autres manières de faire réfléchir. Et voilà. Toi, ton cheminement éducationnel, c'est... Bah, j'ai fait un parcours hyper traditionnel en France quand on est un enfant qui veut plutôt se diriger vers les arts. J'étais... les beaux-arts, bien ouais, sûr. Ouais, voilà, les beaux-arts. C'était seconde art plastique, art visuel, après beaux-arts. Après... Est-ce que c'est là que ça, tu as vu comme un appel au changement de ne pas suivre ce qu'on t'enseignait? Déjà, oui, déjà aux Beaux-Arts, j'étais très critique vis-à-vis de l'enseignement. T'étais l'enfant voilà. maudit, peut-être? Non, parce que les profs m'adoraient. Okay. Au contraire, ils me passaient tout. Okay. Mais il y avait quelque chose qui ne me convenait pas et que je trouvais assez classique. Marcher sur les mains, avaler des pommes de pin, Benoît, des abricots et des poires, et des lames de rasoir, étonnez-moi. Étonnez-moi, Benoît, faites la grand roue, le gros méchant loup, Benoît, faites le grand fou. Faites les yeux doux, étonnez-moi. Étonnez-moi, car de vous à moi, cela ne peut pas durer comme ça. Car de vous à moi, c'est fou ce qu'on s'ennuie ici. Les oreilles, mangez deux ou trois abeilles, Benoît, faites-moi le grand soleil, faites sonner le réveil, étonnez-moi. Étonnez-moi, Benoît, jouez du pipeau, accrochez-vous au rideau, Benoît, attrapez-moi au lasso. Et jouer au rodéo, étonnez-moi. Étonnez-moi, car de vous à moi, cela ne peut pas durer comme ça. Car de vous à moi, c'est fou ce qu'on s'ennuie ici. Étonnez-moi, car de vous à moi, cela ne peut pas durer comme ça. Car de vous à moi, c'est fou ce qu'on s'ennuie ici. Maman, papa, bobo, popo, hey, loli, hey. Quand vas-tu cesser d'allumer des feux de Bengale, cesser d'attiser tous ces crotales à onduler, tout ce sang-froid qui boue, qui boue, qui boue, hey, loli. Un scorpion est né. King of Swing, from the King of Swing of the Earth. des sujets dont envoûter les âmes, vieillissant de tous ces ogres affables, tous ces bravos, tous ces vieux beaux qui ont l'œil qui brille même plus que moi-même. Je m'énerve, oui, tu ris de tout, ça t'amuse quand elle la me rend fou. Allô, maman, Loli, mon bébé, j'ai pas bon, pas bon, hey, Loli. Tu sais, alors cesse. Oh, hello, Loli, tu vomis, bébé, bédard, bo, bo, bo, bo, bo, hey, je muse. Oh, ma. Surprise.

vacances. La bousculade avait fait son brushing, mais maintenant ça n'avait plus d'importance, car plus personne n'oserait se moquer de lui pour ses manières un peu trop efféminées. Et l'on venait féliciter sa mamie qui depuis tout petit l'avait élevé. Et pour clore cette folle journée, rentrant dans sa caravane, il fut gentiment abordé par un vieux monsieur, son premier vrai fan. C'était un monde de rêve, c'était un monde de fête, c'était un monde merveilleux. Il y avait que des têtes, Patrick et ses paillettes, il rêvait d'être comme eux. C'était un monde de rêve, c'était un monde de fête, c'était un monde merveilleux. Il y avait Claude et Dave, Patrick et ses paillettes, et il rêvait d'être comme eux. C'était un monde de rêve, c'était un monde de fête, c'était c'est un monde merveilleux. Il y avait que des têtes, Patrick et ses paillettes, il rêvait d'être comme eux. Est-ce qu'il en convenait? Les professeurs, ils étaient très indulgents avec moi, en fait. Mais, par exemple, je me cachais beaucoup sur les questions politiques. Parce que, quand j'étais aux Beaux-Arts, on est artiste, on fait de la politique. Ah oui? Ça n'existait pas de dire je suis artiste et je questionne le social, le politique. Au début des années 2000, c'était... au début des années 90, pardon. C'était non, quoi. On est artiste. Et l'autre chose aussi qu'on nous disait, c'est soit t'es une femme soit t'es une mère, soit t'es artiste. Ok, oui. Des choses comme ça. Qui sont extrêmement misogynes quand même. Exactement. Tu peux pas être les deux. Vous créez en faisant des enfants, quoi. Ouais. Tu vois, là, c'est grave, quoi. Oh, c'est vraiment. Oui. J'ai l'impression que quand même un peu, mais. Ouais. C'est moins pareil. Bon. Chez vous, c'est plus cool, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ben, nous, on est pour le changement, on est ouvert aussi on est à l'écoute. Ouais. On est un peu plus. C'est sûr qu'il va rester des machos, mais on est un peu moins machistes. Ouais. On est beaucoup... J'ai l'impression. Ouais. on nous appelle les hommes roses. Ah, c'est cool! Ouais, les hommes roses, c'est des hommes qui sont ouverts à la discussion avec, sa, avec, avec l'autre, avec, le con, avec la conjointe. On est prêt aussi à diviser le part de, les parts du travail à la maison. Les enfants, on s'en occupe autant. On va chercher l'enfant à l'école. Donc, mais on est loin de nos pères des années 60, 70. Le mien, il n'était pas comme ça. C'est un homme fermé qui laissait pas voir grand-chose et qui travaillait beaucoup pour faire vivre. C'était patriarcal. Aujourd'hui, ça a changé. La femme travaille, l'homme travaille. La femme est enceinte, elle doit déjà prévoir de placer son enfant dans une maternelle. Ici aussi, ouais. C'est épouvantable. Ouais. Là, hein? Alors, je ne sais pas si on a vraiment gagné sur ces points. Là, il faut réfléchir. Est-ce qu'on veut faire des enfants et cheminer avec eux pendant un moment? C'est épouvantable la liaison que je veux faire, mais le fils au chanteur, comment il s'appelle, à Carlos. C'est qui donc? C'est Françoise Dolto. Oui. Bon, je suis passé par Carlos pour trouver Françoise Dolto. Non, c'est pas grave. Je travaille variété aussi. Françoise Dolto disait au moins s'occuper pendant les deux premières années des enfants, c'est très important, que ce soit l'homme ou la femme. Ouais. Mais pas faire des enfants pour faire des enfants. Oui. Surtout qu'on est très nombreux maintenant. Et surtout, puis au Québec, ben, les chômeurs font des enfants pour recevoir de l'argent. Faut y penser. Mm-hmm. C'est triste. C'est devenu monétaire, là. C'est devenu quelque chose qui peut se transiger. Un enfant, c'est là pour élever, on doit l'élever, on doit le faire monter. On doit encore se questionner là-dessus. Et toi, c'est ce que tu veux faire aussi dans ton travail, questionner les gens. Est-ce que tu sens aussi que tu as un public qui te suit? Alors, mon public, c'est quelque chose de très... Ouais, c'est vrai que c'est un peu pompeux, mon public. Non, parce que je montre beaucoup de choses sur Internet depuis quelques années. Oui, sur le web, sur le site, sur Facebook, enfin, des choses comme ça. Là, lundi, je veux faire une performance, alors que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de performance. Donc, je vais me reconfronter avec un public direct, okay. Alors que... Enfin ouais, ça fait longtemps que j'avais pas. Enfin des gens qui sont convoqués pour voir une performance. Ok. Voilà, parce que ça fait pas mal de temps que je travaille sur l'impromptu, sur des choses comme ça. Donc. L'impromptu déjà travaillé là. Ouais voilà. Okay. Mais là je vais me refrotter à un public qui est venu pour moi. Et ça c'est des invitations que tu as lancées? Non, on m'a invité en fait. Et il se trouve que je suis en train de commencer un travail sur. Un travail. C'est qui contre qui là? D'accord. Un travail sur l'activisme et la militance. Je voudrais faire trois parties, un triptyque qui se terminerait à la fin par un opéra militant où j'invite des militants à parler de ce qu'ils font en fait et de leur objet de militance. Ok. Et là. Interroger. Ouais. Là, je fais un travail en fait, j'ai fait tout un travail sur le cannabis en Californie. Ok. J'ai écrit un texte qui s'appelle Petite histoire du cannabis, Petite histoire environnementale du cannabis en Californie. Pourquoi le cannabis? Parce qu'il se trouve que l'année dernière, je suis allée en résidence en Californie et que j'ai visité des plantations de cannabis illégales avec des gens illégaux qui travaillaient dedans et que j'ai fabriqué des douches. Okay. En palette pour eux et que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Non, moi j'ai pas travaillé dans l'illégalité. Okay, moi j'étais en résidence, mais parce que j'étais pas payée pour ça. Mais j'ai fabriqué des choses pour eux, j'ai rencontré des gens incroyables qui venaient du monde entier. Enfin, cette culture. C'est presque un mouvement. Ouais, mais en fait là c'est fini. Mais en gros, ça ramenait des gens du monde entier qui venaient travailler. Beaucoup d'artistes, beaucoup de surfeurs, beaucoup de gens un peu sur les marges et qui venaient travailler pour se faire de l'argent pour vivre après le reste de l'année. Quoi. Okay. Et en fait, j'ai suivi un cours cette année qui s'appelait... Sinon, moi non plus, je fume pas. Donc, désolé. Et donc? J'ai suivi un cours cette année d'un enseignant qui s'appelle Grégory Quenet, qui s'appelait « Climat, environnement, faut-il réécrire l'histoire ?» Et le cours, en fait, il nous a demandé de faire un dossier sur une entité et d'écrire l'histoire environnementale, l'histoire culturelle de cette entité. Voilà. Et donc, moi, j'ai choisi le cannabis parce que je revenais de Californie et que, en fait, j'avais trouvé que c'était une plante... c'est pas que j'ai trouvé, c'est que c'est une plante qui s'est transformée avec les humains et qui a transformé les humains. Okay. Donc, qui a une histoire très singulière, qui a été interdite, qui a été pourchassée, idolâtrée, qui a créé des mouvements, des choses comme ça. Donc j'ai écrit un texte. Et en ce moment en France, mais comme un peu partout, parce que vous, ça y est, vous avez légalisé pour usage médical. En France, il y a des élus et il y a une association qui s'appelle Normal qui est en train de militer pour la légalisation. Il y a des endroits qui existent voilà. Dans la légalité, entre guillemets, l'illégalité. Je vais raconter l'histoire de cette plante dans un jardin et il y a des militants, un gars qui s'appelle Florent Buffière qui a écrit une thèse sur le cannabis médical qui va venir parler du travail qu'il fait aujourd'hui. Voilà. Donc après la seconde partie, j'aimerais inviter une fille qui milite contre le glyphosate parce que son père est mort, il était vigneron et en fait, il a travaillé toute sa vie et il est mort d'un cancer après avoir ingéré trop de glyphosate. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est? Le glyphosate, ouais. c'est ce qu'on met sur les cultures pour tuer les insectes, les choses comme ça. Ok, c'est un herbicide. Voilà, qui est fabriqué par Monsanto. Qui est devenu Bayer maintenant. Okay. C'est ce qui était utilisé en fait pendant la guerre du Vietnam. C'était l'agent orange qui ravageait tout. Et son père en est mort. Ouais. Donc c'est devenu une fille qui est radicalement militante sur ces questions et qui bosse vachement. Combien d'hommes aussi en sont morts, les deux femmes Elle parle de son père, mais ça tue énormément de gens. Maintenant, on le sait et on continue là, l'Europe, la France a rejeté assez récemment. Ouais. Mais c'est épouvantable. Est-ce que ça fait réagir? Est-ce que ça a déjà été présenté Le travail que oui. Non, c'est la première fois, c'est okay. Lundi, je vais le présenter lundi. Okay. Ok, alors là, tu t'attends à tout? Oui, ça va être... Alors, il y a beaucoup de matière, c'est pas juste un sujet, c'est plusieurs sujets. C'est plusieurs sujets, c'est sur la question du militantisme, en fait. Still there. Ooh, overnight, I wasn't so sure. She wanted him to stay. What to say? What to say? Soon she was down. Soon he was low. At a quarter past, a holy note. Meaning, but she sold him to the slave. to somebody else. She sings her tender songs for somebody else. And even when I have my arms around her, I know her thoughts are strong for somebody else. And the hands I hold belong to somebody else. I'll bet they're not so cold to somebody else. It's tough to be alone on the shelf. Worse to fall in love by yourself. The one that I love belongs to somebody else. What else? Well, now the one that I love belongs to somebody else. She means her tender songs for somebody else. And even when I have my arms around her, I know her thoughts are strong for somebody else. And when I hold her hands, I know that they belong to someone, to somebody else. And you can bet they're not so cold to somebody else. It is tough to be alone on the shelf. Worse to fall in love by yourself. Like when the one you love belongs to somebody else. Wish under my pillow, and I hope it does come true. I put a wish under my pillow, and I dreamed all night of you. I put a wish into my heart, and I held it for safekeeping. Now suddenly it's creeping into my dreams. I dreamed we'd never be apart, and we'd always have this feeling, the feeling I've been longing for, to wish no more that you'd be. Into my heart, and I held it for safekeeping. But I think Cupid has been peeking and knew where to stop. I put a wish under my pillow, and I hope it does come true. Put a wish under my pillow, and I dreamed all night of you. Plus de lumière, plus rien autour de moi, plus que la terre qui glisse sous mes pas. J'appelle au loin, mais non ne répond pas. Il il faisait pourtant si froid. Alors j'ai marché longtemps seul dans le noir pour retrouver peut-être un jour l'espoir que le destin, même au prix du hasard, m'emmènerait ailleurs, au moins quelque part. Car il faut partir, puisque tout est fini, puisque je suis la nuit, il faut dormir, sombrer dans l'oubli, puisque je suis la nuit. J'avais senti qu'au fur et à mesure avaient agi sur moi des forces obscures. Sur mon chemin, je longeais de grands murs, sombres et transpirants d'un mauvais futur. Car il faut partir, puisque tout est fini, puisque je suis la nuit, il faut dormir, sombrer dans l'oubli, puisque je suis la nuit. Les anges déchus, ces âmes en décadence, je les avais lus, j'en leur réhuissance. Ils me disaient, de souffrance, il existe un ailleurs. Entre dans la danse. Plus de lumière, plus rien autour de moi, plus que la qui glisse sous mes pas. J'entends au loin comme le son d'une voix. J'approche doucement, me voici face à moi. Car il faut partir, puisque je suis la nuit, il faut dormir, puisque je suis la nuit. Puisque je suis la nuit. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.